au cœur du monde. Je vous propose de partir en voyage dans le monde des contes et des légendes, du nord, du sud et sur tous les continents. Histoire vraie, inventée, récits imaginaires, découverte de terres inconnues, avec les yeux émerveillés d'enfants qui jouent. La légende se confond avec la réalité. C'est une histoire, la nôtre, la vôtre. Chaque semaine, entrez avec nous au cœur du monde sur Radio VM. Aziz Fares au micro, bonjour. Cœur du monde, rencontre avec Victor Teboul. Victor Teboul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Vous êtes écrivain, vous avez enseigné. J'ai enseigné l'histoire à l'Université du Québec à Montréal, la littérature au collège Lionel Groulx pendant une trentaine d'années. Diplômé de l'Université de Montréal. Oui, en études françaises, en doctorat, oui. Né en Égypte. Exact. À Alexandrie. C'est ça. Et vous le dites, Alexandrie, c'est votre ville mère. Absolument, oui. J'ai écrit d'ailleurs un texte là-dessus, effectivement. Alexandrie, c'est ma ville natale. Ça fait une bonne soixantaine d'années que j'ai quitté Alexandrie. Donc, je devais avoir autour de 11 ans, en fait. Et j'en garde un excellent souvenir, entre autres pour le côté évidemment cosmopolite, le contexte harmonieux dans lequel nous vivions tous, jusqu'à l'arrivée évidemment de Nasser, de la guerre de Suez et ainsi de suite. Vous êtes juif, québécois aujourd'hui, canadien, vous êtes passé par la France à un moment, est-ce que vous êtes aussi égyptien? Vous savez, c'est une question assez intéressante. J'ai retrouvé mes origines égyptiennes en retournant à Alexandrie il y a une trentaine d'années peut-être. Et j'ai été surpris de la manière dont on m'a adressé la parole en arabe. Et j'ai dû donc répondre en arabe, qui est une langue que je connais très peu. Mais que, évidemment, comme tant d'autres, j'ai connu nécessairement à cause de l'environnement dans lequel nous vivions. L'arabe, en ce qui me concerne, était très mal enseigné dans les écoles anglaises que je fréquentais. Et par conséquent, je trouve que j'ai un petit handicap en ce qui touche la connaissance véritable de la langue arabe. En ce qui touche aussi, vous savez, c'est très intéressant quand on parle d'Alexandrie parce qu'on connaît très peu le fait que il y a bien des chanteurs qui sont originaires d'Égypte et qui ont énormément contribué à la chanson française. Dalida, Richard Anthony, Claude François, Bob Azam, Guy Béard, qui est né au Caire d'ailleurs. Et donc, je trouve que le cosmopolitisme a un aspect assez positif d'un côté, mais également un peu négatif d'un autre côté. Parce que le cosmopolitisme, en ce qui me concerne, en tout cas, je trouve, nous a séparés des Égyptiens. Il n'en reste pas moins que je suis quand même attaché à la culture arabe, à tout ce qui touche la chanson, Umm Kalthoum, par exemple. Cœur du monde, rencontre avec Victor Teboul. Vous avez écrit un livre qui est paru récemment, donc ici à Montréal, chez ABC Éditions, Les Juifs du Québec, avec un sous-titre In Canada We Trust, réflexion sur l'identité québécoise. Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité ? Vous savez, je parlais il y a quelques instants du cosmopolitisme que j'ai connu en Égypte et j'ai terminé ma phrase en disant que c'est le cosmopolitisme qui nous a aussi séparés des Égyptiens. Je pense à tout ce qui est arrivé en Afrique du Nord, au Maghreb aussi, lorsqu'on sait par exemple que le fameux décret Crémieux en Algérie a séparé les Juifs des Algériens. Et je crois que le cosmopolitisme a aussi séparé les Juifs et sans doute, sans aucun doute aussi les autres nationalités qui vivaient en Égypte et Alexandrie du peuple égyptien. Alors, si on veut, entre guillemets, mon combat au Québec, pour revenir à votre question sur l'identité et sur ce que c'est que d'être québécois, je crains qu'au Québec, le multiculturalisme joue le même rôle que le cosmopolitisme à Alexandrie. Et la raison pour laquelle j'écris, en fait, c'est pour que nous, qui sommes d'origine étrangère, ne soyons pas séparés des Québécois comme le cosmopolitisme nous a séparés, nous, en tant que juifs, d'après moi en tout cas, du peuple égyptien. Ça vous poursuit ? Oui, ça me poursuit et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour qu'on puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'au Québec, lorsque nous avons, entre guillemets, des grandes crises, comme la fameuse projet sur la charte de la laïcité, qu'on comprenne pourquoi les communautés culturelles, entre autres les Juifs, mais aussi les autres communautés culturelles, ne se sentent pas concernées et rejettent carrément ce projet, par exemple, sur la laïcité. Il ne s'agit pas évidemment uniquement de cela. Je trouve que dans l'histoire récente du Québec, dans les années même 70, il y a eu un rejet, par exemple, de ce qu'on a appelé la loi 101, la Charte de la langue française. On a rejeté aussi la souveraineté. C'est une, la palissade que de raconter ça. Quand vous dites « on a rejeté la souveraineté », je parle des communautés culturelles. Je dis toujours que nous devons essayer de comprendre pourquoi les communautés culturelles sont séparées des Québécois. C'est mon combat, si vous voulez. Et c'est la raison d'être de ce dernier livre que je viens de publier. Dès le début, vous annoncez la couleur. In Canada we trust, vous avez confiance dans le Canada, mais vous faites une dédicace à Louise, à la mémoire de Jocelyne Archambault et de Jacques Langlais, pour un Québec souverain. Tout à fait. Ben écoutez, tout d'abord, In Canada we trust, le titre est un peu ironique, si on veut, puisque effectivement, ce sont les anglophones, et notamment les anglophones de la communauté juive, qui ont une foi inébranlable dans le Canada. Et cette foi, cette conviction, si vous voulez, de ce Canada uni, fait en sorte que l'on oublie assez facilement les courants antisémites qui ont eu lieu au Canada anglais. On n'oublie pas et on ne pardonne pas ces mêmes courants qui ont eu lieu au Québec. Et c'est ça qui finalement fait que quand je parle d'une Canada we trust, on sait entre autres que au Canada on a refusé des réfugiés juifs. C'est tout le monde sait ça. Mais d'ailleurs vous le dites dans votre livre, les juifs ne pouvaient pas s'établir dans la colonie française. Il y a une exclusion, mais qui est très ancienne d'ailleurs. Oui, attention, ça c'est un autre aspect. Moi, j'essaie d'abord d'essayer de comprendre pourquoi les juifs rejettent et la mémoire du Québec et le mouvement indépendantiste. Et dans ce sens-là, je trouve que effectivement, quand on voit la confiance qu'ils ont dans le Canada, j'essaie de comparer pourquoi, par exemple, on a cette confiance dans le Canada alors que le Canada anglais a été antisémite et qu'on ne pardonne pas ces mêmes courants qui ont eu lieu au Québec. Pourquoi ? Alors justement, pourquoi ? Et je trouve que la langue anglaise, en particulier, déforme beaucoup de choses. Je me suis intéressé dans ce livre à comprendre comment les historiens juifs, anglophones, abordent l'histoire du Québec. Et j'ai découvert que dans cette façon de voir et de percevoir l'histoire du Québec, c'est le thème de l'exclusion qui domine et qui est récurrent. Alors j'ai essayé de comprendre d'où vient cette exclusion, et donc effectivement, cette exclusion à l'origine vient du fait que lorsqu'on a fondé la Nouvelle-France, évidemment, les Huguenots et les Juifs n'en faisaient pas partie puisque c'était d'abord et avant tout une colonie catholique. Et dans ce sens-là, on peut remonter à cette histoire de l'exclusion. Il y a eu plusieurs épisodes d'exclusion dans l'histoire du Québec. Cependant, il ne faut pas voir uniquement cette exclusion. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai écrit ce livre pour que les Québécois francophones de souche et les Juifs également puissent voir que dans l'histoire du Québec, il y a des Québécois, entre guillemets, pure laine, qui se sont battus contre l'exclusion, contre l'antisémitisme ambiant qui avait lieu à l'époque. Je parle entre autres de Jean-Charles Harvey. Je cite un épisode très important de l'histoire du Québec où il y a eu une grève à l'hôpital Notre-Dame et où on a exclu un jeune interne, comme on les appelait à l'époque, qui est un médecin qui s'appelait Samuel Rabinovitch. Mais je montre aussi que des gens comme Olivier Asselin se sont battus dans leur journal pour dénoncer les antisémites de l'époque. Donc, ce que je demande aux Juifs, à mes co-religionnaires, d'avoir une vision plus englobante de l'histoire du Québec et qu'il ne se fixe pas. Je trouve qu'il y en a une fixation qui m'embête sur le fait qu'il y a eu de l'exclusion, il y a eu de l'antisémitisme au Québec. Mais il y a eu de l'antisémitisme aux États-Unis, il y a eu de l'antisémitisme en France, il y a eu de l'antisémitisme au Canada anglais. Ça n'empêche pas les Juifs d'être américains, d'être français ou d'être canadiens de langue anglaise. Si on arrive à surmonter ce thème de l'exclusion, on parviendra mieux non seulement à comprendre le Québec, mais à s'identifier à ces grandes figures québécoises de langue française pure laine. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit. Comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère emmaillée au plaisir tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Victor Teboul, vous parlez d'exclusion et puis en même temps vous parlez des Québécois pure laine, de souche. Quand on parle des pure laine, ce sont effectivement ceux qui sont les descendants de ces premiers colons qui ont fondé la Nouvelle-France. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce nez je désire. Oh, vous vous entêtez à choquer vos villages, je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Vous êtes au Québec depuis très longtemps maintenant, vous êtes installé dans la société québécoise. Vous vous sentez exclu encore ? Pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, je me sens pleinement québécois. J'ai eu évidemment, je raconte ces histoires-là dans mon livre, j'ai eu des périodes où je me suis senti exclu. C'est un peu comme tout le monde qui vient de l'étranger. Je me suis, on peut imaginer que des immigrants en France se sentent exclus, sans nécessairement se sentir exclus de la nationalité ou de la nation française. Mais sur le plan de l'emploi, sur le plan du logement. Vous êtes senti exclu ou vous avez été exclu? Ben écoutez, peut-être je me suis senti exclu. J'ai été exclu, pour être plus clair. Il faut dire que dans mes écrits, je dis tout ça un petit peu avec, avec des bémols, avec un peu de nuance. Il faut comprendre que je suis quelqu'un qui dérange. Vous aimez ça? Écrits. J'aime ça, je ne sais pas. Je pense que c'est le rôle de l'intellectuel de remettre les choses en question. Et nécessairement, quand vous le faites, vous n'êtes pas toujours le bienvenu. Parmi certaines élites, que ce soit dans la communauté juive, que ce soit dans le Québec français, quand vous bousculez, que vous dérangez, vous êtes un petit peu menaçant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comme on dirait en arabe, c'est maktoub. Ça fait partie un peu de mon destin. Mais c'est mon caractère et je l'assume et je comprends que dans certains cas, par exemple ce livre entre autres n'a pas été nécessairement accueilli à certains endroits au Québec, je le comprends. Bon, c'était la même situation pour mon tout premier livre il y a une quarantaine d'années où je dénonçais des stéréotypes dans la littérature québécoise et certains auteurs, ça a déplu à certains, d'autres l'ont reconnu, certains l'ont reconnu beaucoup plus tard. Donc ça fait partie un petit peu d'une démarche intellectuelle qui fait qu'en tant qu'écrivain, je ne parviens pas moi à caresser le monde autour de moi dans le sens du poil. Je voudrais que les choses changent et je questionne donc ce qui se passe autour de moi. Victor Teboul, je vous cite, vous parlez d'intrication. C'est un mot qui a une signification extrêmement précise. Vous vous dites pourquoi cette intrication ne s'est-elle pas réalisée chez nous pour l'identité québécoise? Qu'est-ce qui fait obstacle à cette interpénétration des deux identités? L'histoire, question que vous posez, la mémoire, question que vous posez, le nationalisme, autre question, la langue, où serait-ce tout cela à la fois? Ben, tout à fait. Vous savez, j'ai vécu en France, je suis régulièrement ce qui se passe aux États-Unis, je lis les journaux anglais du Canada anglais, je constate qu'il y a des juifs qui se sentent parfaitement canadiens anglais, américains ou français, qui critiquent et remettent en question la culture canadienne. Ou la culture américaine ou la culture française qui écrivent, commencer des gens en France comme Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Zemmour et d'autres. Même chose également au Canada anglais. Nous avons des gens comme Ezra Levant qui sont des Canadiens, qui se sentent Canadiens et qui remettent en question beaucoup de choses dans ce qui se passe dans la politique et dans le monde des idées au Canada anglais. Vous avez cité plusieurs noms, ce sont des Juifs. Faut-il être Juif pour parler écrire au sujet des Juifs? Non, mais vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'interpénétration ou d'intrication entre les Juifs du Québec et les Québécois? Et je vous cite des noms d'auteurs qui, tout en étant Juifs, se sentent parfaitement à l'aise pour critiquer l'identité canadienne. Ce n'est pas le cas au Québec. Et je me suis interrogé pourquoi les Juifs de langue française, j'entends, n'ont pas cette même démarche qu'on retrouve partout dans les sociétés modernes occidentales. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur cette question pour écrire ce bouquin-là et essayer de comprendre. Et évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. On n'a qu'à regarder l'histoire, on sait comment les structures scolaires confessionnelles ont séparé, qu'on le veuille ou non, les Juifs et d'autres groupes également, de la majorité francophone à cause du fait que les écoles publiques francophones étaient catholiques. Donc il y a plusieurs raisons que je nomme, que j'indique, que je précise en détail dans le livre. Cependant, je trouve qu'il faut comprendre que les structures scolaires sont aujourd'hui devenues linguistiques et non plus confessionnelles. Et il faut s'interroger ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a des projets comme un projet sur la charte de la laïcité, les Juifs en bloc s'y opposent. Je trouve qu'il faut s'interroger là-dessus. Et malheureusement, au Québec, on passe très vite. Une fois qu'on a eu un épisode qui touche cette histoire de la laïcité, on oublie, on n'examine pas ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 ans. Alors que moi, au contraire, j'essaye de voir pourquoi les Juifs, mes propres co-religionnaires, se sont opposés massivement, en bloc, de façon unilatérale, au projet du gouvernement marois. Au cœur du monde, rencontre avec Victor Teboul. Victor Teboul, il n'y a pas que les Juifs qui se sont opposés. Tout à fait.

Victor Teboul, il y a comme un ciment qui ne prend pas. C'est dû à quoi ? La souveraineté, la langue, la religion, vous parlez des Juifs, les Juifs du Québec, il y a quelque chose qui fait que ça n'accroche pas. Qu'est-ce qui n'accroche pas ? Vous parliez du rejet qu'ont subi les Juifs au Québec, et puis les Juifs, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, les Juifs sont ignorés par les souverainistes. C'est-à-dire, ici, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Tout d'abord, en ce qui touche les Juifs et les Québécois, je trouve que c'est important de comprendre que la langue anglaise a fait en sorte que la communauté juive dépend des médias de langue anglaise. Les médias de langue anglaise, malheureusement, sont acquis, sont gagnés au multiculturalisme. Alors, quand il s'agissait, par exemple, encore une fois, du projet de charte pour les anglophones, c'était des signes religieux qui allaient à l'encontre des libertés individuelles. Et donc, nécessairement, les gens qui écoutent les médias de langue anglaise sont influencés, sont marqués par ces idées qui sont transmises dans les médias anglophones. Ce n'est pas évidemment la même chose du côté des francophones. Je donne des exemples dans mon livre du fait qu'il y avait des sondages qui ont démontré que la majorité des francophones étaient pour ce projet de charte de la laïcité. Ce n'était pas ce qui transparaissait dans les médias de langue anglaise. Alors donc, ce qui ne colle pas, ce qui ne fait pas ciment, comme vous dites, c'est effectivement la question de la langue qui est transmise à travers les médias de langue anglaise. Et c'est ça qui pose problème. C'est la langue ou la religion, ou la langue et la religion? Je ne pense pas que ce soit la religion, parce que si vous regardez ce qui se passe dans d'autres sociétés, aux États-Unis, au Canada anglais, en France, tout ce qui est arrivé durant l'occupation, comme je disais tout à l'heure en France, ça n'empêche pas les Juifs de s'identifier en tant que Français. Ici, malheureusement, la langue anglaise divise et ne permet pas à tous ceux qui écoutent les médias de langue anglaise. Dans ma propre famille, par exemple, ça se passe. On ignore des fois ce qui se passe au Québec francophone, parce qu'on est toujours imprégné, si vous voulez, influencé par ce qui se dit dans les médias de langue anglaise. Et les médias de langue anglaise projettent constamment cette idée d'un multiculturalisme rayonnant auquel, d'après eux, en tout cas, le Québec s'oppose. Et dès que le Québec et les francophones s'opposent au multiculturalisme, ils sont qualifiés d'intolérants, de racistes. Et ça, vous n'en voulez pas, d'autant plus que vous avez créé un site internet tolérance.ca. Ben, c'est-à-dire que, oui, j'ai créé ce magazine en ligne il y a une quinzaine d'années parce que je voulais qu'on puisse développer un discours critique sur la diversité, sur le multiculturalisme, sur la tolérance. Et d'ailleurs, le premier événement que nous avons organisé à la Maison des Écrivains, il y a déjà 15 ans, c'était un événement qui s'intitulait « La tolérance jusqu'où ?». Et donc, il ne s'agit pas d'être tolérant sans rien questionner. Évidemment, il faut respecter l'autre. Il faut respecter les gens qui sont d'une autre culture et d'une autre religion. Mais il faut être aussi en mesure de critiquer l'autre et non seulement de t'accepter. Et donc, dans ce sens-là, je pense que la diversité est importante dans la mesure où il y a une interaction entre les gens qui font qui proposent et qui font qui promeuvent finalement la diversité, et aussi l'histoire et la mémoire du Québec, parce que ça, c'est un point qui me semble important. Quand je me suis attaché à voir la mémoire, j'ai essayé de voir pourquoi, par exemple, dans certains lieux, dans certains noms de lieux de quartiers de juifs où habitent des amis très proches à moi, il n'y a pas des noms qui évoquent nécessairement le Québec et les gens qui se sont battus pour les Juifs dans des périodes sombres au Québec. Au cœur du monde, avec Aziz Fares. Rencontre avec Victor Teboul. Il y a un chapitre dans votre livre à propos de la mémoire. La mémoire, vous dites, elle pose problème, mais c'est une histoire partagée. En quoi elle pose problème ? Mais c'est-à-dire, si vous allez dans toutes les sociétés, par exemple aux États-Unis, on sait que les Juifs se sont identifiés notamment à Bernie Sanders et à tout ce qu'il représentait sur le plan de, entre guillemets, la social-démocratie à l'américaine. Ce sont donc des gens qui luttent pour une justice. Ce sont des gens qui ont lutté contre le racisme aux États-Unis, pour les droits civiques, par exemple. Et donc, dans ce sens-là, on comprend que le fait d'être américain, c'est aussi partager une mémoire américaine, l'identité américaine. C'est la même chose au Canada anglais, c'est la même chose en France. Je disais tout à l'heure que malgré l'occupation, malgré ce qui s'est passé, ben, les Français juifs s'identifient par la mémoire à la France, par ses valeurs, par le combat contre le nazisme et l'occupation. Eh bien, quand nous regardons ce qui se passe ici, malheureusement, on remarque, on peut regarder n'importe quel site internet de la communauté juive, surtout quand on regarde le côté anglophone, encore une fois, autrement dit, les sites qui sont écrits en anglais, parce qu'il y a toujours un changement qui se fait quand vous regardez ces mêmes sites internet de la communauté juive qui sont écrits en français. Mais quand vous les regardez, la langue d'origine qui est l'anglais, vous constatez encore une fois ce que je disais tout à l'heure à propos du thème de récurrent de l'exclusion. Mais on ne voit pas les axes, par exemple, qui ont fait que les Juifs ont pu avoir des droits 25 ans avant que ça se passe dans l'Empire britannique, en 1832. Et quand je me suis attaché à regarder la toponymie, les noms des lieux, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une rue qui porte la date de 1832, c'est une date importante, puisque les Juifs ont acquis des droits à ce moment-là grâce à Papineau. Il n'y a même pas de nom, de rue qui porte son nom d'ailleurs dans Hampstead et Côte-Saint-Luc. Et si je vous suis, vous allez à Québec par exemple, la ville de la capitale nationale, et puis vous vous promenez dans les rues et vous allez avoir des plaques un peu partout sur les murs. Ici a vécu Crémazie, ici a vécu etc. etc. Mais il n'y a pas un seul nom, pas ma connaissance en tout cas, autochtone. Mais c'est ça, mais tout à fait. Mais oui, donc ça ne concerne pas que la communauté absolument. Juive. Absolument, hein. Mais non, je suis absolument d'accord avec vous. Par contre, il y a un monument Hart et une rue Hart à Trois-Rivières. Et il y a aussi, je pense, un parc qui porte son nom, pour être juste, à Hampstead ou à Côte-Saint-Luc en tout cas. Donc oui, mais effectivement, je pense qu'il faut reconnaître ces moments du passé, il faut reconnaître ces figures de notre histoire, et c'est justement ça la mémoire. La mémoire, c'est reconnaître des figures qui ont été des figures mobilisatrices dans notre histoire. L'histoire commencée, ça permet de connaître ce qui s'est passé, mais la mémoire, ça permet de mobiliser. C'est ça la différence, je trouve, entre histoire et mémoire. La mémoire nous permet de nous mobiliser sur des moments précis qui ont fait en sorte qu'on a acquis certaines choses. Et notamment, je pense aussi à la fête nationale du Québec, si on parle de la mémoire. Je cite un sondage dans mon livre qui indique bien que 72% des allophones ne participent pas à la fête nationale du Québec. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus par rapport à la séparation qui peut exister dans la mémoire du Québec entre ceux qui sont québécois, entre guillemets, de souche, et ceux qui sont d'arrivée plus récente, même si les Juifs sont ici depuis 2 siècles. Donc, je trouve que c'est important de voir cette dimension de la mémoire, et ça, ce chapitre, qui peut aussi être dérangeant, puisqu'on revient un peu à ce que je disais au début, s'adresse aussi aux historiens et aux sociologues québécois pur laine. Parce que si les 2 premiers chapitres, bon, ça concerne tout le monde évidemment, puisque je parle de choses qui se sont passées chez nous, je trouve qu'en ce qui touche l'histoire et la mémoire, je pense que ce serait très important que les historiens se penchent sur cette dimension-là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que la mémoire devienne un petit peu plus universaliste. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est universaliser l'identité québécoise au travers de sa mémoire. Elle fredonne, elle fredonne. La mémoire, laï, laï, laï, elle fredonne, la mémoire, tu verras, son murmure te nourrit, t'empoisonne, laï, laï, laï, son murmure emprisonne, tu verras. Cette mélodie-là, elle sera pour toi le vin, le tabac. Elle fredonne, elle fredonne, la mémoire, laï, laï, laï. Elle fredonne, la mémoire, tu verras, son murmure te nourrit, résonne, laï, laï, laï. Son murmure emprisonne, tu verras. L'eau de la cascade, chantera pour toi. Et le cristal. Boucle tes bagues. Cours encore une. Elle fredonne, elle fredonne la mémoire, laï, laï, laï. Elle fredonne la mémoire, tu verras. Son murmure te nourrit, t'empoisonne, laï, laï, laï. Son murmure emprisonne, tu verras. Vous évoquez beaucoup la mémoire, réflexion sur l'identité québécoise. On peut faire des reproches. Est-ce que ça a été bien fait, mal fait? C'est incomplet, il y a toujours quelque chose à faire, évidemment. Mais la devise du Québec, c'est « je me souviens ». Donc la mémoire, c'est quelque chose d'important ici. Mais vous écrivez « en fouillant le passé québécois et l'interprétation qui y domine, je m'aperçois que c'est la mémoire qui pose problème ». Parce que les moments marquants et même, je dirais, héroïques qui devraient être mis en évidence ne le sont pas. Or, en tant que souverainiste, ce sont ces moments marquants de l'histoire qui m'intéressent. C'est clair, vous êtes souverainiste. Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Vous savez, il y a plusieurs aspects que je soulève dans le bouquin sur ce sujet-là. Je disais tout à l'heure qu'il nous faudrait trouver des moyens pour universaliser l'identité québécoise. L'universalisation de l'identité québécoise passe par la reconnaissance des gens non seulement qui ont défendu le Québec français, le « nous » national, mais des gens qui se sont battus pour les libertés. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur le côté universalisation, parce que je voudrais que les souverainistes reconnaissent aussi dans ce « je me souviens » des Québécois qui n'ont pas été nationalistes. Et c'est ça qui m'agace, parce que les femmes, les féministes, les courants féministes au Québec ont reconnu les femmes, quelle que soit leur orientation politique, idéologique, nationaliste ou non. Vous voyez ? Alors si les femmes sont capables de reconnaître des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes, il faudrait que les souverainistes reconnaissent aussi des Québécois qui se sont battus pour les droits des Québécois, notamment des ouvriers. Vous parlez de qui? Je parle des historiens, je parle de tous ceux qui nomment nos stations de métro, je pense à tous ces gens qui définissent ce que c'est que l'histoire et l'identité québécoise, je pense aux sociologues, je pense aux essayistes, je pense aux écrivains. Aux politiques? Aux politiques aussi, quoique c'est un peu différent. Je pense que les écrivains, j'ai un préjugé favorable pour eux. Je pense que c'est beaucoup plus permanent, disons, ce qui touche le côté... Il y a une pérennité qui existe lorsqu'on défend des idées, ce qui n'est pas nécessairement le cas des hommes et des femmes politiques. Donc je me fie beaucoup plus aux historiens, aux écrivains, aux sociologues, pour que cette dimension du « je me souviens » s'élargisse et finisse par reconnaître des gens de toutes les cultures d'ailleurs, de toutes les origines, qui se sont battus pour les libertés. Au cœur du monde, rencontre avec Victor Teboul. Vous parlez des écrivains, des historiens, des essayistes, peut-être un petit peu des politiques. Vous évoquez les médias aussi. Vous trouvez que les médias ne font pas le travail qu'ils devraient faire, surtout les médias anglophones. Mais est-ce que les médias francophones font ce travail d'inclusion, de compréhension de l'autre? Non, je trouve qu'en ce qui touche, là je suis très critique envers les deux médias de langue française et de langue anglaise. Les médias de langue anglaise, comme je le dis souvent, ont tendance à déformer ce qui se passe au Québec. Et surtout, quand c'est l'option souverainiste, quand c'est une idée nationaliste, entre guillemets, ils ont tendance toujours à considérer cet aspect-là comme étant excluant, comme étant intolérant. Vous voyez. En ce qui touche les médias francophones, je pense, en ce qui touche la communauté juive dans les médias francophones, la tendance que je critique, on va souvent demander à des porte-paroles de s'exprimer, plutôt qu'à voir des individus au sein de cette communauté qui pourraient donner des points de vue beaucoup plus personnels, des points de vue plus originaux que les points de vue officiels. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'il y a eu la tuerie que lançait à Hyper-Cacher à Paris, le Radio-Canada, par exemple, a envoyé un journaliste dans une synagogue de Côte-Saint-Luc, je pense. Et j'ai écouté cette entrevue et là, ils sont allés tout de suite voir le représentant du lobby de la communauté, alors qu'évidemment, dans cette synagogue, les gens étaient en train de prier, ils auraient pu aller voir n'importe qui dans la synagogue pour lui poser des questions, voir comment était sa réaction en ce qui touche ce qui s'était passé à Paris. Alors que non, ils sont allés voir le représentant officiel, le porte-parole officiel. Alors encore une fois, c'est une tendance que je trouve un peu fatigante parce que ça démontre une espèce de paresse dans les médias francophones qui ne vont pas chercher plus loin. Dans d'autres émissions, pour être quand même assez juste, dans d'autres émissions, on a tendance à redécouvrir la communauté juive. À chaque fois, on va recommencer à zéro pour essayer de montrer que la communauté juive est ici depuis deux siècles, que c'est comment elle vit, etc., etc. Alors qu'on n'a pas l'impression, quand on voit ces émissions-là, que c'est une émission dynamique qui tient compte du présent et surtout des changements qui ont eu lieu dans cette communauté, d'ailleurs très importante au sein de la société québécoise. Victor Teboul, est-ce que vous vous considérez comme un représentant de la communauté juive? Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Je l'ai été à un moment donné, quand j'ai représenté en tant que directeur du comité Canada-Israël à Montréal. Je l'ai été dans les années 80, il y a une trentaine d'années, avec des objectifs précis pour essayer de faire connaître et la communauté juive et la société israélienne parmi les Québécois. Vous sentez-vous comme un représentant de la communauté juive et vous me répondez pas du tout, pas du tout, pas du tout. Trois fois vous le dites, avec une espèce de lassitude. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on a tendance souvent à poser cette question. Oui, c'est vrai. Dès qu'on s'identifie en tant que juif ou peut-être arabe ou arabophone, je ne sais trop, on a tendance à se demander si on est représentatif de ce groupe ou de cette communauté. Je ne le suis pas du tout, je suis un écrivain québécois. Ayant des origines juives, un passé évidemment assez particulier d'intégration au Québec et d'exclusion par rapport à notre expulsion d'Égypte, mais je me considère québécois et écrivain d'abord et avant tout. Mais vous écrivez sur les juifs et particulièrement les juifs du Québec. C'est sûr, absolument. Mais c'est un sujet qui m'intéresse, qu'est-ce que vous voulez, ça me passionne. Oui, pourquoi pas. Albert Memmi, en France, a abordé le même sujet. Je ne me compare pas à cet illustre essayiste, mais je ne sais pas, Bernard-Henri Lévy aborde le même sujet, Zemmour également, pourquoi pas. Victor Teboul, vers la fin du livre, vous évoquez une ambiguïté identitaire et vous dites « Pourra-t-on surmonter, entre parenthèses, un jour, l'ambiguïté identitaire ?» Oui, oui, il y a effectivement une ambiguïté. Il faut évidemment se replacer dans l'actualité. Et l'actualité veut que nous soyons québécois et qu'en même temps, il y ait une diversité dans cette identité québécoise. Or, l'ambiguïté, tout à l'heure nous parlions par exemple de mémoire, et je relevais le fait que les lieux, les noms de lieux dans certains arrondissements de la communauté juive ne reflètent pas la présence québécoise. Mais on pourrait dire exactement la même chose à l'inverse. Je trouve que sur le plan québécois, il faut reconnaître, encore une fois, des gens qui sont de toute origine, qui se sont battus pour les libertés et qui sont québécois. Et quand je parle d'ambiguïté, c'est qu'il y a une résistance par rapport à cette identité-là. Je donne des exemples dans mon livre où j'ai vu certaines émissions très, entre guillemets, populaires. Et quand par hasard, j'ai essayé de voir quels sont les noms qui apparaissent là-dedans, parce qu'il s'agissait de noms de famille québécoises, de familles québécoises et des noms québécois. Et je me demandais pourquoi des gens comme Steinberg n'étaient pas là. Je me demandais pourquoi même René Angélil, malgré les funérailles nationales qu'il a eues chez nous, même son nom n'était pas dans ces noms de famille québécoises. Et donc, quand je parle d'ambiguïté par rapport à l'identité, je me dis pourquoi on n'incorpore pas les noms de tous ces noms, entre guillemets, étrangers qui sont autant québécois que les Purlaines. C'est de ça que je parle. Donc ça dérange évidemment que je le dise, mais je le dis quand même. Au cœur du monde, rencontre avec Victor Teboul. Victor Teboul, vous dites vous-même, oui, je suis juif, mais d'origine. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas pratiquant, je m'identifie à la communauté juive, aux réalisations positives de l'État d'Israël et à sa création. J'ai une identité, comme je dis, je ne suis pas pratiquant, mais je suis un petit peu comme tous les juifs non pratiquants. Je pratique évidemment Yom Kippour, je jeûne les 25 heures, je passe mon temps à la synagogue. Je pratique aussi Pessah, je mange du pain azim et je fais... Vous êtes pratiquement un pratiquant. Je suis un non-pratiquant pratiquant. Donc à ce niveau-là, oui, je m'identifie. D'ailleurs, je pense que ma, je dirais pas ma mission, mais mon combat est un petit peu un combat juif. Quand on parle de Tikkun Olam, chez nous, Alam, comme on dit en arabe, l'univers, Tikkun réparé, je crois qu'on veut aussi, que je veux aussi réparer un petit peu un vase brisé quelque part. Et je trouve que ma trajectoire et ma, comment dire, ma démarche est peut-être aussi juive. Vous avez trouvé le mot de la fin. Vous êtes juif, vous parlez en votre nom, non pas au nom des Juifs, et ce livre est à lire parce qu'il y a des éclairages, il y a des questions que vous posez, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans la culture juive, Victor Teboul, tout commence par une question. Absolument. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? C'est ça. Pourquoi fais-tu ça ? Les Juifs du Québec, in Canada we trust,